S'imprégner de sa vie et de sa parole. Le voir dans le spirituel et le surnaturel. Et se laisser impressionner. Et se laisser influencer. Et se laisser inonder de sa personne. Pour le refléter de plus en plus. Refléter son image de mieux en mieux et pouvoir l'identifier aux autres. Nous voulons nous tenir près de lui pour ça. Que Dieu soutienne le cœur sincère dans cet objectif sacré qui veulent atteindre ce sommet par la grâce de Dieu. C'est possible. Père Céleste, tu nous vois partout et tu nous connais et nos prières, tu les entends. Père, c'est toi qui nous inspires. Tu as dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduis-nous. Conduis chacun de nous. Nous avons grandement besoin de toi. Père en heure. Nous avons soif de ta présence. À tout instant. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et notre existence serait nulle. Sans toi, Seigneur. Car l'homme sans Christ est un animal. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a que des sottises et des bêtises. Des indignités. Quand Christ est là, c'est l'espérance de la gloire. C'est la vie de Dieu reproduit. C'est l'homme nouveau sur la terre. Sois les secours pour chacun. Chaque frère, chaque soeur, nous voulons te refléter, toi. Non pas les iniquités, non pas les péchés, Seigneur, non pas la honte et le scandale, mais refléter Christ. Préoccupation sacrée de notre âme. Tu es la personne la plus importante. Que nous ne voulons jamais trahir. Ni blesser. Ni décevoir. Nous te voulons tout entier, Seigneur. Vis au-dedans de nous. Manifeste tes promesses. Confirme ta parole. Démontre ta puissance, Seigneur. Nous avons grandement besoin de toi. Exauce nos prières. Ce soir, chaque jour, et demain à la chaîne de prières, exauce nos prières. Tu es notre fontaine, une source intarissable, Dieu de vérité, Dieu d'amour. Exauce nous. Exhorte sur nos cœurs maintenant. Afin que nous puissions nous séparer. Concentre-nous sur l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ. Prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 7. Nous prenons le verset 22 jusqu'au verset 29. Jean, chapitre 7, verset 22 à 25. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient de patriarche, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne nous disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Nantina oyo mose apekisa kibino kokata nginga. Kasi euti na mose tende na bankoko. Pe na sabata bokokata nginga. Soko moto akata minginga na mokolo na sabata. Ete mibeko na mose, iso panate. Pona nini, boyoke lingai kanda ete na pesi, makasi na nzoto mobimba na moto na mokolo na sabata. Bokata, kobila miso te, kasi, kokata na ekateli na sembo. Bamosusu na bato na Yerusalemi balobi ete. Ye moto oyo, bajali koluka yempo na koboma ete. Ndetala ajali kosolo la polele mpe bakolo ba na ye te. Ejali solo ete mikolo basosoli ete ye oyo Kristo. Kasi toyebi esika euti moto oyo. Wana ekoya Kristo, moto moko akoyeba esika euti te. Bon Yesu angangi kati na tempelo na ino ishalaki ye kula kisaeti. Boyebi ngai mpe boyebi esika euti ngai. Kasi na ye ipo na ngai mokote. Nde mutindi na ngai ajali na solo nde bino boyebi ete. Ngai na yebi ye mpo ete na uti na ye mpo ye atindi ngai. Matthieu chapitre 17. Matai mokapazomi asambo. Le verset 12. Molongazomi nembale. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Nde najali kolobanabino ete, Elia silikouya, nde baeba ki ete, kasi basalela kiye, lokola elinga ki bango, bongompe mwana na moto, akoyoka mpasi na maboko na bango. Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous partageons une petite exhortation ce soir. Un ministère vrai mais méconnu. Un ministère vrai mais méconnu. Comme une pause dans la pensée que nous avions. Tous ces derniers jours, dimanche hier, sur le ministère de Jésus-Christ reproduit. Nous méditons un peu sur ça, un ministère vrai, méconnu. Hier, on a vu le ministère de Jésus-Christ reproduit cinquième part. Aujourd'hui, un ministère vrai de la part de Dieu. Que Dieu a vraiment donné, mais méconnu. Un ministère vrai et mal connu. Mal identifié. Non reconnu. Voyez frère. Et ça, c'est dans le cadre de la deuxième commission de William Branham. Dans laquelle il y avait la guérison des vivants et le discernement des pensées. Les deux grandes choses, à part la prédication de l'évangile. Il y avait la guérison divine, comme et le discernement de pensée de cœur. Oh, mes chers amis, mais ce ministère-là a exercé parmi les gens. Les gens en ont bénéficié, mais ils ne l'ont pas reconnu comme ils devaient le reconnaître. Parce qu'un ministère, quand on l'identifie et qu'on reconnaît, il faut s'y attacher. Il faut s'y attacher. Sachant que quand Dieu lui a établi un ministère, c'est un don irrévocable. Dieu ne peut pas changer d'avis. Mais un ministère vrai, mais non reconnu. On lira quelque chose dans Proverbe qui est pathétique. Nous y penserons. Mais avant cela, on a lu ici dans la Bible. Parce que juste l'exhortation, je vais dire très bref. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 17 ici, verset 12. Il dit une vérité. Tout que nous avons déjà lu, mais sans beaucoup commenter, mais que Dieu nous fait grâce ce soir de nous arrêter un petit moment, nous méditons un peu là-dessus. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Donc ils l'ont méconnu. Pourtant, Elie en question, un ministère prophétique promis, c'était confirmé par Dieu. Il était effectivement venu. De sorte que celui qui est fidèle à Dieu a pris pour la parole, mais ne pouvait pas manquer ça. Voilà un grand prophète, un grand ministère comme celui-là. Autrefois en Israël, avant la première venue de Jésus-Christ, le ministère était envoyé de Dieu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais si c'était le cas, parmi les juifs même, dont nous est venu la Bible, les habitués de la Bible. Quand sera-t-il lorsque le même Élie devra être envoyé qui n'apprennent la Bible que comme culture importée. La Bible ne figure pas dans leur tradition. Donc, comme une culture importée d'un autre pays, d'un pays étranger, d'un continent. Et ils viennent apprendre ça comme des théories, comme des leçons dans une école. Oui. Comme je disais à quelqu'un, avec le genre de formation qu'on donne dans notre pays. Vous passez des années et des années à remplir de la, votre tête des théories. Et on nous fait retenir des textes comme la chèvre de M. Seguin. Vous devez réciter ça. Et vous récitez, quand vous ne récitez pas, vous n'allez pas le faire. Vous allez même échouer de prendre des glaces. Parce que vous n'avez pas pu retenir la chèvre de M. Seguin. Bon. Mais quand vous retenez la chèvre de M. Seguin, et vous pouvez réciter ça fidèlement. Et l'enseignant qui s'est dit oui. Ça fournira quoi à votre pays? Mais on nous bourre des choses comme ça. La chèvre de M. Seguin, les loups et l'antilope, voilà les choses là pour nous. Et puis après on vous donne un certificat et diplôme. Bon à rien. Tu ne peux rien en faire. Monsieur Seguin, je suis ressemble à quoi? Il a vécu où? Est-ce que ça nous importe? Qu'est-ce que nous, on a à voir avec ça? Et quand on veut nous enseigner le fruit, au lieu d'insister sur le mangue, les avocats qui sont autour de nous, non, on vient nous parler des abricots. De ces fruits-là qui sont pris en France là-bas. Voilà. L'abricot est comme ceci. Alors, la personne à qui on montre ça dans l'île. Il risque même de mourir sans jamais voir l'arbre. Mais pour passer des classes, il devait connaître ça. On a collé quatre classes et cinq la ça servit à quoi? Zéro. C'est ainsi que la Bible pour certaines personnes. C'est comme des choses d'un pays étranger. On parle là-bas du blé. On parle de la cognée, de la racine des arbres, on parle de l'acte du père, bande des serpents. Pour l'âge là, il paraît compliqué pour plusieurs personnes. Parce que nous, on est habitués dans un petit quartier, de ce qu'on entend, hein, esprit qui noie. C'est notre langage ici. Quand maintenant on vous amène dans la cognée qui est jetée à l'arcine des arbres, vous commencez à demander que ça veut dire quoi. Mais maintenant dire encore que Dieu vous envoie Élie le prophète. Déjà les choses élémentaires de la Bible, ça vous comprend. Comment allez-vous l'identifier? C'est là l'une des difficultés parmi nous. Mais malheureusement, il arrive que même dans nos Bibles françaises, certaines personnes éprouvent encore d'énormes difficultés de compréhension, soit à cause de l'analphabétisme, soit à cause de la tricherie scolaire, mais ou des points sexuellement transmissibles, pas seulement l'expression. Comme ça, dans certains milieux, dans les points sexuellement transmissibles. Pour avoir des points, vous êtes en train d'exhiber le sexe et faire des histoires. C'est honteux. Mais à la fin de tout ça, les gens sont forts dans les revendications, mais ils sont nuls dans l'expression française. Nuls dans la compréhension des mots. Donnez-nous les textes et tout, mais c'est pitoyable. Donnez-lui un papier biblique qu'il écrive. Mais vous n'allez même pas avoir le goût de terminer, il lit. Vous vous demandez, mais il écrit en français ou même dans la langue maternelle? Vous ne pouvez identifier aucune langue d'Afrique. Mais il vous rassure avoir bien dit. Vous vous demandez ce que vous voulez écrire? Oui. Mon Dieu. Zambé. Une société détruite. Et c'est regrettable. Maintenant, Si parmi les juifs, les habitués de la Bible, qui ont la culture familiale de lire la Bible, dans leur maison, ils lisaient les Saintes Écritures comme éducation de base. Voyez ça. On apprenait aux garçons à lire la Bible. À haute voix. Devant les gens. C'était l'éducation de base. L'éducation quotidienne et familiale. Malgré tout ça, sont passés à côté du ministère d'Élie. Qu'en sera-t-il lorsque Élie de Malachie 4 sera-t-il facile de le reconnaître en tant que prophète Élie? Bien sûr que les mêmes difficultés apparaissent. Nous voyons donc que plusieurs rejettent ça parce qu'ils ne l'ont pas identifié. Plusieurs autres, à cause de la mauvaise identification toujours, parce que l'homme est connu, font de lui Dieu. Alors qu'Élie en question ne devait pas être Dieu. Et ne sera pas Dieu. Mais si on fait de lui Branham, c'est qu'alors on l'a méconnu. On l'a mal connu. On ne l'a pas reçu en tant que ce qu'il est. Dans un cas ou un autre. Et ceux qui font de lui Dieu. Et ceux qui l'ont rejeté catégoriquement. Comme n'étant même pas prophète. Ces catégories sont des qui n'hériteront pas les promesses de Dieu. Les catégories, ce sont ceux qui l'ont rejeté. Sommes-nous d'accord? Parce que ce n'est pas quand vous allez faire de lui ce qu'il n'est pas que Dieu va vous approuver. Vous faites de lui non un prophète, Dieu ne va pas vous approuver. Vous faites de lui au lieu de simple prophète, plus un prophète, il devient Dieu ne va pas vous approuver. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Celui-là recevra la récompense d'un prophète. Donc la récompense, bon, c'est uniquement pour celui qui reconnaît un prophète dans sa qualité de prophète. Na epenza ya mosakoli. Pas pour celui qui fait d'un prophète Dieu. Komiki mosakoli nzambe. Rejeté. Abwa kisami. Pas pour celui qui veut ignorer et contester la qualité de prophète à celui que Dieu a établi prophète. Pouvons-nous lire Matthieu chapitre 10e, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Que cela soit clair et retenu. Je pense qu'il y a là rien de difficile. Parce que des fois, nous confondons les choses. Nous pensons qu'en nous montrant plus éclairé que Dieu, on voit dans un prophète ce que Dieu n'a pas fait de lui. Nous pensons que Dieu ne pourra que fermer les yeux et nous applaudir. Jean-Baptiste l'a dit et sa demeure frère. Nous ne pouvons pas changer cette vérité. Ça doit être respecté jusqu'à présent. Jean-Baptiste l'a dit et nous pouvons le lire ici dans Matthieu chapitre 3. Matthieu, non, c'est même Jésus qui l'a dit. Matthieu 3, verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Zambi ebongi na biso ete toko kisa matambo yonso na boyenge bene. Boye andimeli ye. Il est convenable que nous accomplissions toute la justice. C'est ce qu'il convient. Rester dans la position de justice. Défendre ce qui est juste. Mais soutenir que ce qui est juste. Rejeter tout ce qui est faux. Rejeter tout mensonge. Résister à tout mensonge. Résister à toute perversion. Mais défendons que ce qui est juste. Ce qui est vrai, ce qui est correct. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. Pas autre chose. Dieu fait de lui un prophète. Il n'est pas un prophète. Pour toi, il n'est pas, mais pour Dieu, il est. Parce que tu n'as pas reconnu sa qualité de prophète. Il perd la récompense. Que cela soit clair. Alors, le Seigneur, dans Matthieu 17, verset 12, Élie est déjà venu, mais qui ne l'ont pas reconnu, mais qui l'ont traité comme bon de l'assemblée. Oh, il est ceci. Mais après avoir dit ça, il ajoute. De même, le Fils de l'homme souffrira également de leur part. Or, le Fils de l'homme en question, c'est Dieu prophète. Élie en question était un prophète. Le Fils de l'homme dont Jésus parle encore Dieu en tant que prophète. Luc, au chapitre 6, nous avons lu et répété la lecture de Matthieu 6, là-dedans, le ministère de Jésus-Christ est identifié par rapport à la guérison divine, un grand signe, et accompli un jour de sabbat, et aussi au discernement des pensées. C'est ce que les gens pensaient, lui les savait. Les deux choses apparaissent là. C'était des traits caractéristiques de son ministère. Maintenant, dans Jean au chapitre 7e, que nous venons de lire, la question de sabbat revient encore. Et il y avait un débat. Vous rappelez de ce chapitre. C'était à la fête des tabernacles, Jean chapitre 7. Dans un lieu de fête, vous savez que les gens discutent, ils parlent, ils murmurent, ils chuchotent par table, ils disent des choses. De sorte que des fois, c'est lui qui est devant là-bas, ne peut pas tout entendre, tout déchiffrer, parce que cette table murmure, l'autre là-bas, il faut passer au micro, et finir le micro. Il y avait une fête. À un moment donné, Jésus a dit, vous cherchez à me faire mourir. Ils ont réagi. Oh! Tu es un démon! Vous allez la démon! Des réactions épidémiques. Wana, kozong sa makambobile makasi. Qui ont l'injure facile. Bato wazali na kofinga pete. Qualificatif, ça saute comme ça. Lolenge ya kobamba mutuli kambo, zali kobima mbala moko. Tu es un démon! Yo zali la démon! Tu cherches à te faire mourir. Na ya liko luka koboma yo. Jésus les regarde. Pourtant, il avait du vrai. Il y a solo pendant la contesté catégoriquement. Jusqu'à le détaxer des démoniaques. Jésus. Yesu. La plénitude de la divinité. Avoir un démon. Imaginez un peu. Obanda. Quand vous ne reconnaissez pas un ministère, Tango voyez juste où peut aller votre zélamène. Jésus-Christ. La plénitude de la divinité est incarnée physiquement, mais avoir un démon. Comment vous pouvez arriver à concevoir une telle chose? Parce que la misère qui vous arrive, lorsque vous n'identifiez pas un ministère, vous pouvez dire n'importe quoi. Et c'est ça. Le Fils de l'homme souffrira aussi de la mort. Voilà parce qu'ils n'ont pas identifié. Ils se sont permis de les taxer des démoniaques. Ça freine. Tu es un démon. Vous êtes un démon. Vous êtes un démon. qui cherche à te faire mourir? Pourtant, il avait dit vrai. Moi, je me demande, est-ce que dire la vérité nous ferait mériter le qualificatif d'être démoniaque? Est-ce que ce sont les démons qui disent la vérité aux autres? La vérité cachée dans le cœur. Mais que lui a eu le courage de dévoiler publiquement. C'est ce qu'eux disaient tout bas. Mais Jésus l'a dit tout haut. C'est pourquoi il tenait des réunions secrètes. Pour en parler librement. Jésus est venu publier ça. Devant le peuple. Jusqu'à dire qu'il est un démon. Ah. Le chemin de la croix. Le chemin chrétien. Attendez-vous à tout. Hein? Il y a peu de roses. Il y a peu de reconnaissance. Beaucoup plus de blessures que vous avez. De déceptions. De surprises désagréables. Mais ne perdez jamais courage. Nous l'avons dit hier, nous le répétons. Nous ne perdons pas courage. Tenons bon jusqu'au bout. Car notre Père nous récompense. Oh, c'est un démon. Les gens commencent à développer. Je vous ai montré les bonnes œuvres. J'ai fait une bonne œuvre et vous en êtes étonnés. Hein? Vous en êtes tous étonnés. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Ça, c'est vous allez pour le oh non! Il dit, même. Moïse vous a donné la loi. Mais nul de vous n'observe la loi. Et qui se croyait meilleur que Jésus. Qui se croyait maîtriser la loi. Et nul de vous n'observe la loi. À cela, ils n'ont pas répliqué. Réprochés dans leur conscience. Ils voulaient paraître juste aux yeux des gens. Eux-mêmes étaient mauvais que les autres. Parce qu'ils faisaient leur mal en cachette. Mais ils voulaient publier toujours le mal des autres. Il leur dit, ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Est-ce qu'ils ont voulu écouter? Ils sont là toujours à chercher à avoir raison. Même devant la vérité. Atali bosona solo na Nzambe. Moïse vous a donné la loi. Monse a fait ça qui vient au Mibeko. Mais là, regardez, il a dit encore. Pour que la loi de Moïse ne soit pas violée. Lorsque le huitième jour dont Moïse a parlé, pour la circoncision, que ce soit lundi, mardi, mercredi, dimanche, ou le samedi, d'office, l'enfant doit être circoncis. Et vous le faites scrupuleusement. Maintenant, pourquoi voulez-vous vous en prendre à moi? Pour nanini, vous voulez me condamner? Parce que j'ai guéri un homme tout entier. Vous allez couper une partie de peau circoncise. Moïse qui vous a dit de rien faire les jours de sabbat. Mais parce que vous ne voulez pas tomber sur la culpabilité. Quand le huitième jour est le samedi, vous le dites mal. Mais moi, j'ai guéri un homme tout entier. Je ne me suis pas occupé que d'une partie du corps. Mais du corps tout entier qui était malade. Et vous venez pour me faire un procès. Vous voulez me faire mourir. Écoutez maintenant. Boyoka. Voyant que leur maître n'avait plus d'arguments. Leurs enseignants, leurs leaders. C'est la foule qui récupère maintenant la situation. Tu commences à murmurer. Bandiko, n'est-ce pas là celui qui les cherchait à faire mourir? Tu es déjà planqué, Baringa Bombaye. Maintenant c'est la foule qui commence à parler. Qu'est-ce que tu dis? Mais maintenant Voilà. Il est là. Azaliwana. Il parle librement. Azali kolobana bonso minyoso. Et pour lui dire rien, pour lui faire rien. Azali kolobela et le côté qu'on sale le côté. Écoutez, quand les gens ne reconnaissent pas le ministère. Boye batango nini batu bazali koyeba le temps que tout le monde s'arrête. Le fait que ne réagisse pas comme on aurait souhaité. Batu mutu bazali kozongisa makamote le lengi bango abanza kete bakozongisa. Bango bakamba Yesu basali bali trapa bakamela kendo bapo mayekutu. Bazali kosala te bango bazali komioka malamu te. Maintenant, il commence à se dire, parce que nos chefs aussi, vous n'aurez pas reconnu qu'il est le Messie. Bango, Basile Koué, qui est le Messie. Bango, Basile Koué, qui est le Messie. Maintenant, je me demande, vous la foule. Bino, Bato. Si les chefs auraient reconnu qu'il est le Messie. Ceux qui osaient reconnaître que c'est comme on n'a pas choisi. Mais pas que l'on wapi. Pourquoi tu n'es pas tranquille? Voilà le problème. Quand on ne reconnaît pas un ministère, on se fait des fois de manière exagérée. Et nous nous étonnons de peine qui commence à étonner. Vous allez comment cela n'a yo? Qu'occuper yété? Qu'occuper ma cabona yété? Comment cela n'a yo? Mais pourquoi ma toi n'a mis sur la kuna ou yiwana à son le bas et puis pas le bas rien? Et maintenant, et puis on ne fait rien! Vous allez consaler le côté. Bah, si n'a yo api! Voilà. Comme on a la méchanceté. Voilà le dans le cœur des jeunes méchants. Tango mitemi comme il y a panda. Des vrais démons. Et vandemi na ba démons. Voilà là où ils arrivent. Ça là il paye pas parce qu'ils coquent. Des comportements bizarres. Ils allient ma bé. Mon frère Branham appelle des bizarreries. Quand les quoi qu'on vient dans le lingua. Des comportements trop bizarres. Ils allient penda le ling. Ils allient ma bé. On a qui la qualifié. Voilà dans la passe il y a couru parce que dans le lingua. On voit une aujourd'hui sur ça l'entraîneur qui est. Qu'occuper son macamonéité. Oh et bon et bien bah et ça y est. Mais non, oh non, il est là, on lui fait rien, et puis il parle librement, vraiment. Et puis on lui fait rien. Est-ce que les chefs n'auraient-ils pas reconnu qu'il est le Messie? Oh lui, lui là. Il est mérimélangé. Oh lui, il est là. Nous connaissons d'où il est. Mais le Messie, quand il viendra, le Christ, personne ne saura d'où il est. Voyez leur penser qu'il murmurait. Et toi, il souffrait là. Jésus a discerné. Aussi loin qu'il était. Dans le temple, je suis dans le temple. Oh là-bas, si dans l'autre temple, il est fait. Jésus s'écrit alors. Vous connaissez d'où Jésus. Et il s'étonne. Papa, vous voyez, on a récupéré. Mais aïe bien, mon dégéni. Amen. Dieu entend tout. Zambé, même si vous chuchotez aux oreilles là. Vous allez même si votre bouche ne dit pas. Dépensez même. Jésus, ça sort dans sa prédication. Ils sont là. Vous connaissez d'où je suis. N'ayez bien gai na uti wapi. Car je ne suis pas venu de moi-même. Et je connais celui qui m'a envoyé. Bien, amen. N'ayez bien motindi na gai. Voilà. Kasibino wana. Vous attendez connaître d'où je suis. Vous voyez pas qui est gai na uti. Vous ne le connaissez pas. Vous voyez bien que. Et c'était ça la vraie vérité. Yangoana solo penda oyo ebongaki. Vous ne le connaissez pas. Bino voyez bien que. Mais moi je le connais. Gai n'ayez bien. Car c'est lui qui m'a envoyé. Et c'est yende motindi na gai. Le discernement. Vous voyez dans cette portion de l'écriture, parlant de Jésus-Christ, dans son ministère, il évoque la guérison d'un homme tout entier. Et dans son ministère s'exerce le discernement. Pareillement à Luc chapitre 6. Le verset 12 que nous avons répété. Même chose. La guérison de l'homme qui avait la main droite. Cette main fut instantanément guérie. Sur parole du Seigneur. Et les pensées des gens qu'ils avaient à cœur. Sans le dire ouvertement, le Seigneur a dévoilé ça. Il est le même jusqu'à présent. Le Dieu d'Élie. Donc dans Matthieu 7, verset 12, il est question d'Élie, son prophète, et de lui-même, le Christ. Le Dieu des prophètes. L'Élie aille à souffrir de la part des hommes. Et le Fils de l'homme aussi devait souffrir de la part des humains. Et voilà une illustration dans Jean 7. Il a fait du bien. Il a discerné les pensées. Mais pour ça, eux ont considéré que c'était un démoniaque. C'était la vérité. Que Dieu nous fasse grâce. Frère Branham a dit, les dons de Dieu ont toujours été rejetés. Mais ils finissent toujours par trouver leur véritable place dans l'église. Donc les uns en deviennent des fanatiques. Ils en parlent en bien, mais ils n'y croient pas dans leur pratique. Donc, quand vous reconnaissez un don de Dieu, attachez-vous à ce don. Soumettez-vous aux exigences de vérité et Dieu vous honorera d'avoir honoré sa parole. Mais ne faites pas le contraire. Je crois ce ministère. Vous reconnaissez donc votre vie. Il demande tout ce que votre bouche raconte. Votre manière de vivre démontre que vous ne croyez pas. C'est un ministère sans effet sur vous. Vous en faites la honte. Vous en faites le déshonneur. Et c'est regrettable. Laisse que nos vies soient des flammes. L'apôtre Paul a souhaité ça pour les chrétiens. Pour que lui aussi soit rassuré qu'au jour de Christ, il sera consolé. Voyez ça? Il voulait qu'il en soit ici. Pour qu'au jour de Christ, lui aussi soit consolé. Ici dans Philippiens, au chapitre 2e, il dit verset 14-15, jusqu'au verset 16, sinon, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. En d'autres termes, parlez et agissez avec conviction. Avec assurance. Soyez pas hésitant, bâtonnant. Soyez sûr de ce que vous faites. Alors, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, vous savez, quand il y a des doutes, éloignez-vous de tout ce qu'il y a des doutes. Agissez avec conviction. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et que vous allez en fond de l'été, peu et quoi l'été, bananzambe, baoyo, bajangi, litono, kati, na libota, na bato, ba yongotami, pe, ba pengui, nzela, kati, na bango, bojali. Kongenga lokola minda na mukili. Porte la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Awa esimbi bino liloba na bomo yeti ngai na komikumisa na mokolo na Kristo po na poti mbango pamba te soko na sali musala pamba te. Il faut que le ministère produise des résultats dans la vie. Le travail que nous faisons pour Dieu doit impacter votre vie. Pour faire de vous irréprochable. Faire de chacun de vous irrépréhensible. Portant la parole de vie. Vivant la parole. Non pas donner l'impression que le ministère porte des prédications mortes. Mais s'il y en a qui font la honte, toi tu vas faire l'honneur. Distingue-toi. Partout où tu es, pas seulement prenant la forme d'agneau à l'église, mais partout où tu passes, il faut qu'on sache que tu es un vrai croyant. Que tu es un véritable enfant de Dieu. Ta famille doit reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Grâce à la parole que tu portes. Ton entourage doit le savoir. Tes collègues de service doivent le savoir. Tes amis doivent le savoir. Tes collègues condisciples doivent savoir que tu es un enfant. Même s'ils peuvent ne pas le dire de bouche, mais que dans leur conscience, ils reconnaissent la qualité de vie supérieure. Portant la parole de vie, et brillant comme des flambeaux carrément. Soyez la lumière autour de vous. Vous voyez? Quand vous avez reconnu, il faut que la vie suive. Et que les bonnes œuvres suivent. Avec conviction. Oui. Paul espérait qu'il en soit ici. Et dans la langue, au jour de Christ. Et dans mon Christ. Lui aussi puisse ne fût-ce que taper la poitrine. Yeah. Oh! Je n'ai pas travaillé en vain. Je n'ai pas couru en vain. Mais il y a des résultats ici. C'est notre prière, c'est notre vœu, notre idéal. Ne nous décevez pas. Ne nous trahissez pas. Ne déshonorez pas l'évangile. Faites la fierté de ce message. Voulez-vous? Que Dieu vous bénisse de la fin. Donc, au moins dans ceux qui ont reconnu le don, il faut que la vie irréprochable soit là. C'est possible dans ce monde ici. Que vous soyez un vrai flambeau. Moto. Yo malilité. Moto ya réveil. Frère, ta soeur, reconnu comme ça, pas ton entourage, pas ta famille. Moto ya ma bonne lit. Moi ne y'a pas tous ici l'oba. Amen. Mon sambeli na bon solo. Voyez ça? Il faut que ce soit connu. Que cette parole produise ça. La Bible dit que votre histoire soit connue de tous les hommes. Non pas votre méchanceté, mais votre capacité rancunière. Toi, au lieu d'être connu comme doux dans ta famille, tu cherches à être connu comme compliqué. Vous allez colloquer tes baies, vous allez monter à pas si. Compliqué, mais. Et puis tu les dis à vous de vous allez colloquer en haut dans le lendo. Je suis en train de mettre la pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Que votre douceur soit connue pour les gens. Soyez un agneau. Soyez chrétien là-bas. Authentique. Êtes-vous là? Oh, mais nous sommes dans une exhortation. Je vais juste lire ici Frère Branham. Dans Dieu commissionnant Moïse. Pensez-vous vraiment un grand ministère comme celui-ci. Mais regardez ce qu'il a connu comme réalité. Pendant 7 ans, j'attire votre attention. Un vrai ministère méconnu. Dieu commissionna Moïse, prêcher le 3 juin 1953. Paragraphe 7. On m'a fait remarquer juste que, il y a quelques semaines, par le président de la Convention des Baptistes du Sud, dont je suis membre de ce corps de gens, la Convention des Baptistes du Sud, ils ont dit, Frère Branham, l'unique chose qui se passe dans vos rayons, c'est que nous avons appris que vous consacrez trop de temps à la guérison divine, mais pas assez à l'âme. leur impression, leur constat. Et lui aussi était membre de la convention de Baptiste. Il s'est encore déjà là organisé. Il était aussi dedans. Alors on lui a fait remarquer, écoute, nous avons appris. Mais toi, dans ton ministère là, tu consacres plus de temps à l'agriculture. Mais pas assez de temps pour l'âme, le salut des âmes. Écoute, ils veulent parrainer une réunion à Louisville. La convention des baptistes du Sud. 70 églises baptistes de Louisville. De cette convention-là. Eh bien, je dis, messieurs, vous ne comprenez pas. Vous allez vous la guérison divine, c'est une partie de mon programme qui sert seulement d'appât sur la main. On ne montre pas la maison au poisson. On lui montre la part. Voyez, et j'ai dit, quand les gens voient ce qu'est Dieu, alors l'évangile les attrape. Voyez, et c'est pour l'âme. Et vous les dissociez. Bah, mais lui, il répondit, mais non, c'est pour l'âme. Et il a dit, Alobi, avez-vous déjà eu des convertis? Yo, et si vous jouez, j'ai dit, Alobi, durant les 7 ans écoulés, suivez bien, j'en ai eu un peu plus de 350 000. Ça fait à peu près combien d'assemblées? 350 000 convertis. Pas 350 fidèles, mais 350 000 personnes. Ah, en 7 ans. Un tel ministère avec un tel résultat brillant. Où ces gens-là sont-ils partis? Mon Dieu. C'est là où vous sentirez la douleur. Si vous avez un peu de spiritualité, vous les sentirez ça comme moi. Durant les 7 ans écoulés, j'en ai eu un peu plus de 350 000. Uniquement dans mes réunions. En dehors de ce que les autres ont eu. Libanda na wa oyo basusu basile kozwa. Quand ils donnent un tel bilan, cela les avait un peu désarçonnés. Yango ici les coubes, les autres savants ils l'ont allumé. Parce que tu ne fais que prier pour les malades et disperser les gens. Bobele libonde lipona batuna bokono. Tu as atteint un tel nombre. Certainement, aucun d'eux n'avait atteint. Mon côté n'a pas encore marqué la montée avant la montagne ouana. À dire vrai. Y'a pour le basolo. Ce sont 70 églises là. La convention de Baptiste est finie. Il n'est jamais dit qu'un million de plus en Angleterre. Vous cherchez à faire des membres, à faire des gens de l'église. Vous cherchez à faire des gens de Branham en 7 ans. Je comprends que vous avez plus de 350 000 convertis. Qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur. 350 000 sous ce ministère. Je suis à l'automne. Quelle capacité évangélique. Est-ce que vous en connaissez qu'il y a ce niveau-là parmi nous? En 7 ans. 350 000. Si vous n'en connaissez pas, hein, alors ne croyez pas à ces théories des successeurs de Branham. Il n'y en a pas. Arrêtez les distractions. Et des sires religieux. 350 000 en 7 ans. On a bobé la mibu sambo. Gaïté, moi je suis honnête. et vous me connaissez. Ah, ma frère, n'a pas été pasteur, toi yébani. Moutango sa moningati. Toloba la vérité. Mais reconnaissons la vérité telle qu'elle est. 350 000 en ayant 7 ans. Maintenant, tous ceux-là, quand ils ont entendu, ils ont mingi, tu dis que prier pour les malades, et puis, non, Dieu a travaillé. Écoutez les problèmes. Il a dit, où sont partis pour se convertir? Réponse. J'ai dit, dans des églises de leur choix. Trois cent cinquante mille qui ont cru grâce à ce ministère. En tout cas, Jésus est vrai. Yes, en tout cas, Dieu agit. En tout cas, Dieu guérit. En tout cas, Dieu est réel. Zambazaliasolo. Et après d'avoir bénéficié, d'accord, ils sont revenus dans les églises de l'Église. Est-ce que ça, c'est reconnaître le ministère? Je vous demande, ce comportement-là, est-ce que c'est ça reconnaître le ministère? Celui qui vous a péché et vous a présenté Christ. Mais vous ouvrez les doigts et vous allez dans les églises de votre choix. Continuons dans le vieux système dénominationnel. Un vrai ministère méconnu. Non seulement dans le domaine prophétique. Je vous donne ici la preuve que même dans le domaine évangélique. Ce n'est pas ce qui devrait venir. C'est ce que les gens ont fait. Manque de compréhension. Aveuglement spirituel. J'ai dit, ils sont allés dans les églises de leur choix. Et il a dit, les pentecôtistes en ont récupéré la plupart. Donc, eux, c'est la compassion des baptistes du sud. Ils commencent maintenant à créer un peu les pentecôtistes. Ah, comme on n'a pas cité, ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas côté de côté, ils ne sont pas dans l'église, ils ne sont pas dans l'église. Mais ils ne sont pas dans pentecôtistes, ils ne sont pas dans l'église. Ils ne sont pas dans l'église, ils ne sont pas dans l'église. Pourtant, ils ne sont pas dans l'église. Voyez la plainte. Pour eux, ils se plaignent. Ce sont les pentecôtistes qui ont récupéré la plupart. Je sais maintenant ce qu'il dit. C'est vrai. Parce que les pentecôtistes croient en ceci. Alors les pentecôtistes viennent et les pentecôtistes les amènent. Papa pentecôtiste n'est pas n'a pas mis la bango, pour que nous avons ok. A ça les guérisons, gloire au Seigneur, alléluia, ma don, ma balou, nos kasika et tout. Mais après, basson il a bon église avant. Maintenant, la convention des baptistes disent, mais nous sommes les baptistes. Nous ne nous battons pas pour les intérêts des pentecôtistes. Eux, ils sont une église, nous sommes notre église. Alors, oui, c'est vrai. Les pentecôtistes viennent. Les amènent. Et moi je reste là avec mon don. Autour de lui, peu de gens. Vous allez dans son église, peu de gens. Mais pourtant, des centaines de milliers. Il y a Christ par ce ministère. Voilà. Ce n'était pas pour construire un grand groupe, hein. Pour c'est l'appel de l'épouse. Dieu fait la sélection. Il connaît les élus qui vont être retenus. Et j'ai dit, c'est vrai, solo. Vous ne croyez pas cela, c'est pourquoi vous vous en éloignez. Vous et vous ne recevez pas cela. Beaucoup de vos membres viennent, et ils entrent là-dedans, ils voient, ils croient cela, et ils vont simplement de l'avant. Comprenez ce qui s'est passé. Beaucoup de pentecôtistes ne croyaient pas centaines de milliers. Mais ils ne croyaient pas dans leurs églises. Mais les baptistes dont les leaders étaient pour croire les gens des gens. Mais il y a beaucoup de gens ordonné une église baptiste. À ça, moi, on a vu ça. Ils sont batata. Donc on est minimisé, on construit. Et tout. Ah, c'est mon amour. Maintenant, leurs adeptes. Peut-être par arrière penser que Branham était venu de l'église baptiste. Il reste maintenant à côté de Branham. Pour faire du Branham tabernacle une église baptiste. Et les pentecôtistes, dehors dans leur groupe, en train de faire du Branham. Voilà une des tristes réalités. Pourtant, Dieu appelait l'épouse. Il ne voulait pas réformer une nouvelle église baptiste. Mais il voulait édifier le corps de Christ. Ils sont restés et ils allaient de l'avant. Au nom du baptisme. Na kombo ya et j'ai dit, si seulement vous laissiez tomber. Quand la science chrétienne et de beaucoup de physicistes. J'ai dit, si vous étiez resté là où vous êtes censé rester, nous n'aurions pas eu ce culte-là. Si vous étiez allé de l'avant, et que vous aviez prêché l'évangile, un homme est un être surnaturel. Il a faim de Dieu. Un homme. Es-tu un homme? Es-tu un humain? Tu es un être surnaturel. Et tu as faim de Dieu pour faire des exploits. L'homme en lui, il y a un esprit. L'esprit de l'homme est surnaturel. Il peut faire plus que le naturel. Là où le corps est limité, l'esprit peut dépendre. Sachons-le, sachez-le. L'homme est un être surnaturel. Il a faim de Dieu. Et s'il ne peut pas trouver la vraie nourriture de Dieu, il mangera tout ce qu'il pourra trouver. Et j'ai dit, parce qu'il y a en lui un être surnaturel. Et j'ai dit, c'est la raison pour laquelle il fabrique des automobiles et il fait des inventions. Il peut pratiquement créer l'homme. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. C'était donc cela. L'homme peut pratiquement créer. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Son créateur, son fabricant, il est le créateur. Donc l'homme peut faire des inventions. Il peut construire des automobiles, des grands édifices, des pyramides, faire n'importe quoi. Parce qu'au dedans de lui, il est un homme surnaturel. Et si vous ajoutez à cette partie surnaturelle, le Dieu surnaturel, le roi du surnaturel, l'homme fera de grands exploits. Il fera de grandes réalisations. Nous venons à l'église pour recevoir plus de Dieu. Et beaucoup de Dieu entrent là. La quantité de Dieu, pas plusieurs dieux, mais beaucoup la quantité de Dieu. Zamba kota. Une portion écoute. Et Baxem sont ma coquille. Amen. C'est vrai. Il y a quoi ça là, il y a miné. Père Mich. Est-ce que tu as reconnu que tu es surnaturel? Oui, j'ai été aux allées mon kiloté. Reconnais-toi toi-même. Mille pas et maintenant, que Dieu te fasse grâce de reconnaître les autres surnaturels auxquels s'associer avec. Père Branham a dit que lorsqu'un homme naît de nouveau et reçoit le Saint-Esprit, il devient un candidat à l'association mystique et surnaturelle. Les anges de Dieu le visitent. Les êtres surnaturels s'associent. Les anges de Dieu vont le visiter et communiquer des messages. Il devient une personne double. Azali, une partie, c'est la chair, Azali, zoto, qui est mortelle, qui mange les fumba, mange les kikalakasa, kikalakasa, mange les milemwa, mange les matamba, mange les... Ah, toutes ces histoires. Azali, kulia, pundu, les mwengs. Hein? Un peu de mwengs. Mutiam. Vous voyez ça? Moni. Ça, c'est la chair. Hein? Mais au-delà de la chair, il y a l'esprit. Qui est surnaturel. Il peut communiquer avec le monde surnaturel. Il est en communion. Les êtres surnaturels s'associent. Que Dieu te bénisse. Que cette exhortation te fasse bien. Pour faire de toi un croyant. Mais non pas un pervers. Mais un fanatique. Un vrai croyant. Qui porte la parole de vie. Qui identifie les dons et les ministères. Qui reconnaît les choses de Dieu à leur place. Que Dieu vous bénisse. Donnons-nous debout pour la prière. Oh pauvre cœur, qui toujours voilà tes luttes en bas, et d'où t'es rangé, et si découragé, espère ami, attends sa barbe, restaurer ton cœur, et nous allons dire chacun un mot de prière. Prions chacun pour clôturer notre moment d'adoration. Nous avons besoin de plus de Dieu au-dedans. Nzambe mingi kati na biso. Mais différemment la bonne compréhension de ce que Dieu nous ouvre les yeux. Nzambe afungo la zomiso. On ne peut pas passer à côté de la place. Pembeni ya makambo te. Voir en plein la chose. Kasi kumona malamu likambo. De la façon correcte. Na lulenge bongi pe asembo. Avec vérité. Prions chacun. Tobondi la moko na moko. Motema na Ngai tanga nyoso na kobanga be Ona tembe mingi Peina vole mbobe Ika, ika mpiko Mobe kese akolongi sayo Usokiyo Akandima Akamona Kembona Yisalongoyana Makanze Yesu Ezange Soka Ikampiko Akamona Ikamwise Soke yonde me na motema Olembe ming kumbana yotika yangondeko Namakolo na yeso kumbangate Omi pesan Ye akalangola mawana yon Usoki yon Akandima Akamona kemona Ye salangoyana Bakonzi yeso Ei sangue so can e campi co a camona camona be camri stelle naie toque onde me na morte mo solo solo goiano ma cose yeso Esangue solcan y campico a camona beca muy seri toque yonde me namo temo Père céleste, Dieu tout-puissant, dans cette méditation de ce soir, nous nous sentons concernés, car nous avons l'obligation de résultats spirituels. Il a fait de nous les humains des êtres surnaturels, mais souvent qui s'ignorent. Qui se méconnaissent. Et encore avec cela, même tes dons, c'est encore méconnu. Et nous restons loin du but. Dans le chaos et la défaite. Dans la médiocrité même. Pauvre en résultat. Insuffisant en progression. Tournant en rond, bien défaite. Nous voulons un réveil. Quelque chose qui nous choque. Et qui nous pousse à l'action. Pour agir sans murmure. Ni hésitation. Mais avec foi, conviction. Avec assurance, c'est apporte-nous ce soutien, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de Dieu vivant. Une portion de la divinité. Agissant à travers nos êtres. Pour de meilleurs résultats. Pour de grandes réalisations. Pour de nombreux exploits. Nous avons écrit avec Dieu. Nous avons fait ce mingi. Lorsqu'Israël a eu à reconnaître un don parmi eux, la sagesse de Salomon, c'était comme un millénium. Ils ont prospéré à tous égards. Ils ont vécu la paix là-bas. Oh Dieu! si nous reconnaissons les dons que tu me donnes, les choses que tu nous offres, nous ne manquerons pas le but. Nous serons aussi prospères. Nous serons bénis à tous égards. Nous connaîtrons des réussites et de l'accroissement. Fais grâce à chacun de comprendre de quitter les péchés, de quitter l'impudicité, de quitter l'incrédulité, de quitter le monde des doutes. Vous demeurez dans la foi et la pureté, et que nos résultats soient nombreux. Soutiens l'église, exauce nos prières ce soir, cette nuit, chaque jour. Il y a la chaîne de prière de là. Seigneur, exauce-nous. Nous voulons rester près de toi. Dans ta profondeur, dans la relation intime avec toi. Une relation fertile. Productivement attachée. Fais-nous cette grâce. Car nous n'avons que toi. Nous ne croyons que toi. Nous avons quitté le monde. Les joies du monde. Les plaisirs du monde. Pour devenir chrétien. Non pas dans la facilité, mais dans l'amour de Dieu. Que cet amour inonde nous. Nous remplissons davantage. Et que notre douceur soit connue de nous. Donne-nous un vrai discernement. Une bonne compréhension des choses. Pour que rien ne soit compris des travers. Ni déplacé de son côté. Mais que nous laissons chaque chose à sa bonne place. Glorifie Dieu. Bénis cette église. Le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.